milieu des tempêtes, mon cœur couvre une sale angoisse. Comme Cédar Senghor, je chante ta beauté qui passe. Amio, je mange seul à table, à Pointe Noire, je suis seul sur le sable. Ozala qui yembele, yembele, si à ta patatra, quoi que tu fasses, tout gros coup, nous te rattrapera. Notre belle maison au blé de vide, je me sens perdu, tel un cheptel renié par son guide. Colibri, je serai la terre, mon fruit, la canne à sucre. Tu jouiras des récoltes et des autres trucs, trac, truc. Je te kiffe comme un récépissé, mon laisser respirer, je te laisse pas passer, pas si te veux. Au présent, futur et participe passé. Dans mes rêves d'Adam et Ève, je dois gagner la fève. Douce doudou, tu es mon pont doux. Dans la matière, je suis orfèvre. Sans ton doux goût, ni ton mougou, j'avoue, je m'achève. Et si tu pars au Amio, c'est la fin et de la fin, je fais la grève. Amio. Évadons-nous du côté de Tokyo, New York City, pourquoi pas Rio de Janeiro. J'arracherai même mes trois cours en roro. Ma vie est une histoire d'amour, je suis ton héros. Et vis, vibre, entends-tu cette résonance? Mon cœur est rempli de chaleur et je pense que nous sommes faits pour vivre ensemble. Bolingo Nanga, Yakazonga, restons je ensemble. Je ne peux plus penser mes sentiments tout bas. Je ne peux plus supporter ces mots au fond de moi. Amio, c'est en public que je te déclare ma flamme. Je souffre d'avoir succombé à ton charme. Je me suis noyé dans tes yeux de velours. Tu m'as enivré de ton élixir d'amour. Tous ces mots pour te dire que je ne fais que souffrir. Affaibli par ces mots que toi seul peux guérir. Amio. Regardez les photos quand t'es au village, sur d'autres t'es belle en maillot, chez nous les pieds dans l'eau. Pour toi Amio, je parlerai audio comme Don Camillo. Tu es ma joie, mon joyau, Amio, ti amo na linguio. Même les larmes ont déserté mes yeux, on se serre les coudes. Car ici dans mes yeux le temps se trouble. Je sais quand t'as dit à Mystique c'est un salaud. Maintenant je pleure seul comme un poisson. Je me suis noyé dans tes yeux, je veux nager dans ton cœur. En apnée au fond de toi notre avenir sera meilleur. Combien de temps vas-tu encore me laisser souffrir? Tu es mon souffle, mon oxygène, sans toi je ne veux plus rien dire. Nos paroles sont sincères, douces et franches. Allons vivre loin de cette douce France. Je suis franc avec toi, fini les Christelle Géraldine. Pour moi y'a que toi, oh Amio. Amio.